Planet Rap. Planet Rap. Tous autres, c'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, c'est Planet Rap Carry sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h sur Skyrock avec Caris. Ouais, je bien ou quoi, Fred? Et toi? Tranquille. Est-ce que t'es en forme 6-7 mois hein, depuis la sortie du dernier projet? Ouais. Ça y est, de retour. De retour. Avec quelque chose, je me suis dit c'est ce matin. Reparti. Je me suis réveillé un petit peu, enfin le lundi, quoi, tu connais le lundi, t'attendais que de me voir pour faire le double fuck. Et ben voilà. Hein, j'ai pensé à ça toute la journée, je me suis dit double fuck. Je prends des trucs, double fuck. Et double fuck. Dès que je voulais faire du double fuck. Ah, j'ai envie de faire du double fuck cette semaine. Ça. Ah, c'est trop bon. Bon, tout va bien? Ouais, on est là. On va parler du projet, alors mixtape, album, projet. À une époque, on disait même street CD, on sait plus. C'est pareil. C'est pareil. On va parler du projet. On va parler du projet cette semaine entre 20 et 21. Et pour se plonger directement dans le projet, on a un petit medley, même un gros medley, ah ouais, avec les sons de ce projet. Tu vas écouter, tu nous dis ce que t'en penses juste après. C'est parti. C'est ce qu'on va retrouver dès vendredi dans les bacs, c'est Caris, ça arrive. Oh. Caris sur Planet Rap. Je fais des lem. T'as le seum, sem. Je fais des lem. J'ai des rem. Planet Rap. J'aime les grosses perles. Rond en ville comme en Bosnie, Hervé, Covid. J'ai de la cocaïne pour toi et tes copines. Sky Rock. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Ton numéro, je me mets pas sur possible. Planet Rap. Le putain qu'on boulot fait la base. Belle et calard, nous c'est la base. Tchao. La bite est dure et la paume est dure. Maintenant t'es sûr que la coque est pure. Les balles sortent et devine ton futur. AK-47, on est mur. Planet Rap. Je veux briller comme les vitrines de chez Van Cleef. Je ne pars et ne reviendrai jamais sans bif. Je ne pars et ne Planète Rap. Démarrage Gold Cop. Si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage Gold Cop. Si tu veux nous voir, prends un télescope. Démarrage Gold Cop. Si tu veux nous voir, prends un télescope. Planet Rap. Planet Rap. Deck, deck, c'est la finition. Deck, deck, c'est la finition. Dans le meneur, le produit se prépare, c'est trop tard, c'est la finition. Deck, deck, c'est la finition. Planet Rap. Planet Rap. T'en as plein le pire gros. Fais pas trop le gringo, joue à ton amigo. J'attends pas le bingo, mon 06 c'est sale pour ton bingo. T'as lâché vide et je recharge. Pute. Planet Rap. Planet Rap. Tu te pisses dessus dès que tu nous vois en concert. On vous tire dessus comme sur des boîtes de concert. Si je suis pas le dernier à rester debout sur le ring, que le rap français me pende avec son string. Planet Rap. Sont les ringues, sont les bagues, sont les chaînes, sont les lambeaux. Planet Rap. Faut t'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Je n'ai pas besoin d'appeler un docteur. Je me soigne au shit et à la peu. Planet Rap. Voilà, un extrait. Plein d'extraits d'ailleurs de ce double fuck. Voilà, nouveau projet. Ça explique les choses. Voilà. J'ai envie de dire du gros son. Tout est dit. De la punchline. Exact. Des morceaux énervés. De ouf. Tout ce qu'on aime. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, Caris, à revenir 6-7 mois après la sortie du précédent album? Plein de choses. L'envie de revenir à ma base, à ma première base, à ce que j'aime. Tu vois. Après, j'aime aussi les morceaux plus mélodieux, tu vois. Donc, comme il y a eu, comme il y a eu le bruit sur le bruit de mon âme. Comme je kiffais beaucoup le morceau en noir, donc je me suis dit, je vais en faire aussi quelques-uns comme ça. Est-ce que ça aurait pu être une revenir à ça? Est-ce que ça aurait pu être ce projet double fait qu'une réédition justement du bruit de mon âme? Non. Pas possible. Non. C'est pas des morceaux que t'as fait il y a longtemps et. Non, je l'ai fait en 2 mois ça. Ça tu l'as fait en 2 mois. Ouais. Direct. Donc c'est des morceaux inédits, que des morceaux inédits. Ouais. En studio avec sauf pareil. Deux freestyle, un freestyle Tal Sadoum que j'ai fait ici. Et un autre. Ah oui, c'est le fameux freestyle, Tal Sadoum. Le fameux Tal Sadoum. Qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le projet Double Funk. Qu'on va se réécouter même dans la semaine. Donc l'ambiance sur ce projet, c'était quoi? Détente. De fou, comme d'habitude. D'être en studio avec thérapie. Voilà. D'écouter du son, de gratter sur place. Non, jamais sur place. Ah, jamais sur place. Ouais. Donc t'avais déjà commencé à réfléchir. Moi, j'ai un petit truc de côté, mais jamais sur place. Double Fuck à découvrir cette semaine entre 20 et 21. On peut d'ailleurs saluer l'équipe de Thérapie qui est là aussi. Ouais, tout le monde est là hein, ce soir. Ouais, ouais. Tout le monde est là. Bien, en pleine forme. Cool. Impeccable. 2093 qui est là. Si, si. Toute l'équipe de Caris. Et il y aura du live aussi ce soir. Il y a Mikey qui sont là. Il y a Bakil qui est venu nous voir aussi avec Jed. Le Macbam. Il y a du monde quoi. Il y aura du live ce soir. Et je ne t'ai pas encore confié, Caris. C'est ton portable pendant une semaine. Ah bon? Tiens. C'est quoi, c'est l'iPhone combien ça? Hein? Oui, bon, celui-ci. Moi, j'ai le 8 déjà, moi. Non, mais c'est parce que je le ménage. L'iPhone 8, donc. Je sais que t'es déjà dans le 8, mais celui-ci, je le ménage. Parce que comme il va de main en main, ouais, de rappeur en rappeur, je me dis un jour, je vais plus le retrouver. Donc, pour l'instant. On le passe au lumineux, là. Non, non, voilà, pour ce. Il y a des traces bizarres dessus. Ah ouais? Mais. Toutes les mains de. Je te laisse faire les. Des si jamais t'as. Si tu as envie de je fais bah attends, on va t'expliquer tranquille. Okay. Si tu as envie de tenter l'expérience, passe au luminol, n'hésite pas. Hein, tu pourras peut-être découvrir. Je te laisse découvrir, tu nous diras si jamais tu récoltes. On a des découvertes. Ce qui a pu être semé dessus. Au-delà du réel. Hein. Donc c'est un numéro TVO, mais on peut te joindre quand tu veux pendant l'émission. Si tu as envie de décrocher, tu décroches. Tu n'as pas envie, tu décroches pas. C'est 06 71 74 84 15. Allô. 0... Ah, ça y est, bah, t'es déjà parti. Allô. Allô. Faut mettre le haut-parleur, appuie sur haut-parleur, voir si on entend quelqu'un. Allô. Oh merde. Allô. Ah mais tu fais peur aussi, Caris, tu commences à faire. Allô. J'attends, putain. Il m'entendait pas. Ça va ou quoi, mon poteau? Oh, calme. Ça dit quoi? Oh, c'est ce qu'il vient d'entendre, mec. C'est tiré au poteau, mec. Si, si, toi-même, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Tu t'appelles comment? Pierre. Ça va, Pierre? Ça dit quoi, Pierrot? Je viens de Rennes, moi. Je suis à Rennes. Tu viens de Rennes. Pierre de Rennes. Pierre de Rennes. On va faire l'émission ensemble, hein, toi et moi. Ça y est, c'est fini, on écoute plus Fred. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça va être sympa, tu vois. Ça va, que du clic et du double fuck. Si, si. Est-ce qu'il a bien retenu d'ailleurs quand sort double fuck, Pierre de Rennes? Demande-lui parce que. Pierre! Écoute-moi, Pierre. Oui. Ça sort quand double fuck? Bah, le. Bah. Le 6. Alors, ok. T'es un mytho, Pierre. On t'a démasqué. Alors, déjà, hein, on est le 12 octobre. Donc... Mais qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Alors. Non, ça sort le 16 octobre, frérot. 16 octobre. Ah oui, le 16, ouais. Ouais, ça sort vendredi. C'était l'émotion de te parler, Caris, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ça me fait ça, moi aussi. Vas-y, mon Pierrot, on fait comme ça. J'en perds mes dates. De toute façon, tous les cas, j'achète, mec. Bien, ouais, je t'ai tout niqué. Vas-y, on se rappelle plus tard. Bélec à toi. Ça marche, ok. Yes. Tu vois, c'est comme ça, c'est le principe. On peut te joindre directement. 06 71 74 84. L'émission va durer 2 heures à ce rythme-là. Parce qu'il y a des gens avec qui je vais commencer à parler. C'est comme tu veux. Bon, on va quand même passer du son. On débute avec Terrain. Caris, c'est parti. Vas-y, vas-y. Coup d'envoi de ce Planète Rap Terrain maintenant. J'fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Clic, semi-auto, j'ai du liquide amniotique. Devenu automatique dans le cathmatique. Sorti de l'école de la République. Des lards, poussi poussi. Parle pas ou bien parle en nouchi. Plus d'armée de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume ma grosse part, elle a vu ma grosse part. Elle fait le grand écart, j'ai de la mouille dans la beubare. Contrôle de police, ma guy, il me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétard dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme-gomme. Demi-tour en marchant, mon chewing-gum, gomme-gomme. On va plus leur faire de crédit, on fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, j'amani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bousemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir ta raie en Blu-ray. J'fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. J'fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive qui nous vide, tu prends quoi? Les bibisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles tringues dans une forme maigrale, font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse rayé, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Kandahar, Gandora, Gandora, double calache et Ondora. Rendu dans la planque, tracker sans manque, je suis dans le tank, c'est pas un prank. Je fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. Je fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Je fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. Je fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Je fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. Je fais des lem lem lem lem, j'nique des rum rum rum rum. Je fais des lem lem lem lem, t'as le seum seum seum seum. Je fais des lem lem lem lem. J'nique des rums, rums, rums, rums. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Carissa, t'es en ligne encore. Là t'es en direct de Skyrock mon pote là. Je voulais rassurer d'ailleurs les gens qui ont appelé le 06 71 74 84 15 pendant le morceau terrain. Bon je vais te laisser parce que je vais parler avec Fred là. On se rappelle tout à l'heure ou quoi? Rappelle-moi tout à l'heure, rappelle-moi tout à l'heure, vas-y. Voilà, le numéro de téléphone de Caris, 06 71 74 84 15. Ah ouais, je voulais rassurer parce que t'as commencé à décrocher pendant le morceau. Donc il y en a qui se sont pris des lom lom lom lom lom. Et tu raccrochais direct juste derrière. Donc ne vous inquiétez pas, c'est Caris, il a pris le contrôle du portable de Skyrock, de Planète Rap. Le morceau terrain, c'était le premier celui-ci, hein? Ouais, c'est le premier qu'on a balancé. De cette aventure double fuck, ouais, hein, avec le clip qu'elle est avec et tout. Un gros titre qui a bien fonctionné. Qui a été important d'ailleurs aussi pour... important pour un retour. Pour un retour, quoi un que... Un retour tonitruant. Est-ce qu'on peut parler, ouais, en 6-7 mois... retour de cette source-là, je veux dire. Dans cette source-là, dans le rap bien fat, dans le banger, tu vois. Parce qu'on a un bon banger. Parce qu'on a l'impression, justement, même si ça fait 6-7 mois, il y a aussi... T'as fait des showcases, il y a eu des tournées. Ouais, je suis tout le temps en tournée, je tourne tout le temps. Tu tournes beaucoup. Ouais. Il y a aussi un Zénith qui se prépare, qui aura lieu... le 9 novembre. Il y aura Rinté, il y aura Le Bruit de Mon Âme, il y aura Or Noir, il y aura Zo. Ça va être un gros concert. Hein. C'est quoi, 2 heures, tu penses combien sur scène? Une heure et demie, 2 heures, ouais. Ça peut être aller plus loin justement à Zénith, mais Zénith c'est aussi différent de scènes comme les showcases que tu peux faire. Ça n'a rien à voir. Donc c'est quoi? Il y aura aussi de la mise en scène. Il y aura de la mise en scène, bah oui, obligatoire. Faut pas qu'il y ait de trous, faut pas qu'il y ait de flottement, faut que ce soit carré. Donc c'est le 9 novembre. Le 9 novembre. C'est sûr, c'est au Zénith de Paris. Venez. Il y aura d'autres. Pêchez vos places. Il y aura d'autres dates aussi, Carré, si tu tournes aussi. Il y aura d'autres dates aussi après. Pour aller voir un petit peu justement ce mélange de tous ces albums. Exact. Et puis le dernier en date aussi qui s'appelle Double Fuck. Je dis toujours album, projet, parce que c'est vrai que tu l'as fait même peut-être plus spontanément, c'est pour ça que tu dis mixtape. Mais en fait c'est pareil en fait. C'est pareil. Voilà. C'est-à-dire que sur les mixtapes, tu peux inviter des potes qui vont faire des solos. Comme Bakil ou Bakil, ouais. Bug, tu vois ce que je veux dire. Et voilà quoi. C'est des artistes qu'on retrouve sur cette mixtape que tu veux mettre en avant. Ouais, bien sûr. PSO Tug, ça fait partie aussi de l'équipe. PSO Tug, ça fait partie de l'atmosphère que j'aime bien au niveau du Peura et tout. Avec XV Barbare d'ailleurs. XV Barbare, tu vois, c'est un peu la même famille. Voilà, donc c'est des gens à qui j'ai envie de donner de la force. C'est un morceau d'ailleurs que j'ai. Ils n'ont pas vraiment besoin eux parce qu'ils font des buts, tu vois. C'est un morceau d'ailleurs qui s'appelle C'est la base que tu as fait aussi avec XV Barbare. C'est le deuxième clip qui est sorti. Qui a fait beaucoup de bruit aussi. Cette connexion justement XV Barbare, c'est quoi? C'est des gens que tu suivais aussi depuis un moment? Je les ai vus sur internet par le biais de thérapie, tu vois. Voilà, donc tu vois, on s'informe, on regarde, on essaie de comprendre pourquoi, comment ça se fait qu'ils font autant de vues. Après, on rentre dans le délire et après, voilà quoi. Ah, t'analyses beaucoup quand même, t'analyses beaucoup. Tu cherches à savoir? Bien sûr, il faut savoir. Et alors, l'explication sur XV Barbare, t'en as déduit quoi? Ah, ils font kiffer les jeunes. Les jeunes, ils kiffent quand même. C'est tout, c'est la tendance. Bon, et puis c'est un collectif massif aussi. Ils sont pleins, ils bougent bien, ils ont de l'énergie. Voilà, en studio, c'est pareil aussi. Studio, ça dépend du taux d'alcoolémie dans le sang. Ah. Il y en a des fois qui sont raide morts à côté de la porte. Non, je rigole, non, ils sont toujours bien. Toujours bien. Tu as installé un truc, pour souffler. Voilà. Tu dépasses les 0,80, désolé. À demain. On va l'écouter d'ailleurs, ce morceau avec XV Barbare. C'est un long morceau. Il y a le clip qui va avec aussi. Ouais, le clip qui va avec, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Tranquille quoi. Est-ce que toi justement quand tu poses avec des gens comme XV Barbare, qui est un gros collectif massif, je le disais, qui est en train d'exploser en ce moment, est-ce que toi est-ce que tu te mets en position justement compétition? Ou c'est non, différent? Non, je crois que ce morceau-là, il n'y a pas eu de compète. Il y a des morceaux où il y a de la compétition et des fois il en sort un très bon morceau, tu vois. Mais sur celui-là, il n'y a pas eu de compète, donc des fois dans ce sens-là aussi ça marche. Il n'y a pas eu de compète, au contraire, c'était vraiment. Une connexion, quoi. C'était la connexion, on était pareil, quoi. Tu vois. Et bon, on va l'écouter maintenant sur Skyrock. Vous réagissez aussi avec le hashtag Caris sur Skyrock. Caris XV Barbare maintenant, c'est la base. Oh! future. J'ai dit pute. Cosette. X des barbares. Double fuck. Panam. K, double, rotor. Défonce des copes, vis t'es mort, t'as vu la vache. Tu plus grave la merde quand la station de lavage. Je suis sur le corner, j'ai dû dérober. Et la recette que j'ai dû dérober. Viens commettre un carnage. Si je t'intercepte, je vais pas te crapauder. Devant ton salon de beauté, j'accomplirai ma tâche. Si t'interprètes le rôle du perroquet. Les gros systèmes, ils nous manipulent. On va briser juste pour quelques milligrammes. Je suis blessé, je prends le billet et je guette le filigrane. Même en hiver, dans le coup, c'est la canicule. Gros bébé, mec, à l'arnouche qui te soulève dans ton lit. T'assumes pas la pression, là tu périmètre. Les forces de leur cadre, le périmètre. Y'a ceux qui poussent la voûte et ceux qui poussent être en lit. Dans le poche, ton grosse tête de squelette. Dans ma tête, c'est la guerre territoriale. Le genre de poste démoniaque. Comme mon verre, mais du cognac. Navigué sur Panam. Comme les chevaliers du Zodiac. Environnement traumatisant. Malaxé le gros nerf, malaxé le gros nerf. Son boulot se fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot se fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot se fait la base. J'ai encore les fourcules. Mis à part celui de Nicky. Te comparer comment oses-tu. De la petite oses-tu. Tu ne me mets pas hostile. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Donc laisse-moi faire. Enlève tout tes peu ça pute. Laisse-toi faire. Wesh les gars, j'ai retrouvé où tu nais. Fils bébé BBK doublé A dans le mec de ma gueule. T'as reconnu mes que tu nais. C'est que ça n'est pas mal ici. La bague s'endort dans la banalise. Juste 1 million, 2 millions, voire 3 millions suffiront pour me canaliser. Ouais je laisse là, dis-moi qui peut rivaliser. Zombie. Mon visage assombri, même sous ma Pushka. Tu me reconnais même à je suis au fond dans la barre. J'ai mon nugget assorti avec mes sapis. Si je te croise dans le pack, sale pute, je pense que t'es pas prêt d'en sortir. Si tu veux tirer cœur. Mais comment tu parles de ton lit, t'as pas de quoi investir. Ce négro c'est une pute, vaut mieux qu'il aille se travestir. Double à Jack, mes soirs sautés averti. Le putain qu'au boulot se fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot se fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot se fait la base. Ils viennent de libérer Bendé. Je plie pas bloqué qui est enfermé. Pas de type pour ces putes. Disais à table, je les veux. Bédo, bédo, je parle pas de keto, je suis toujours au checker avec mes gaspés. Floco, floco, tu n'as pas de zéo, ma belle, il va pas te sortir de la tête. 9-3-7-5, une putain de fusion, cette bite me remercie juste après la fusion. L'argent du business n'est pas une illusion, je rencontre l'addition, c'est comme une addiction. Plus c'est dégueu, plus ça plaît. J'vois du shit et j'suis du bédo. J'enroule un voisin, t'es le P2. Et je blesse, d'été en hiver. J'suis le baisse, donc j'les baisse pour de vrai. Sur tes fesses, je perds la ficelle. J'me l'oseille à toutes ces puces sans me faire fister. 75-0, c'est le 17 en menu ou en miette. Tu es fier au dîner. Le jour de paye, investis la dinette. Appelle-moi après que j't'apprenne à dealer. Le putain qu'au boulot fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot fait la base. Je crible ta tombe de cartouche. De base c'est comme ça que j'écris mes lettres. Prenez la vautour, je vois tout comme Wade. Sinon pour cadrer le périmètre. Moi je suis sale tout vous êtes. Mais cramé comme une paire de TN fake. On m'a dit barbare tu es un homme bon. Mais je ne savais pas que je devais l'être. Nerveux comme Joe Petty, j'me tape comme Belmondo. Munda, la balle est partie, tellement vite. Sur ton dos, tellement vite. Que tu n'as pas eu le temps dans les échos. Pisse pas, pisse pas, pisse pas. Que tu n'as pas eu le temps dans les échos. Le putain qu'au boulot se fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot se fait la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Belle et calard, nous j'ai la base. Le putain qu'au boulot se fait la base. Une pute qui fait des fils de pute, c'est ce que ta grand-mère a pondu. Tu jacques, personne ne te connaît, t'es mort, paix à ton cul. J'compte aux ailes, j'peux dormir sur mes deux oreilles, mes petits frères t'allument. Chérie, je t'aime, t'es mon soleil, mais je préfère ta lune. J'vends pas les couilles de tes valeurs, dans Vampire, j'étais du côté du chasseur. Tu peux me voir dans un de tes tiecs, c'est à cause de moi que quand tu sors, ta mère s'inquiète. Très très vilain garçon, pas reclet, dans ton sillage. Fais un bisou au canon, mais pas avec les brelets de ton visage. Vitre toujours teinté, baiser, je fais des AR dans mon empire. Les sorts sont toujours baisés, je crains la lumière comme un vampire. Bitch, pas besoin qu'on s'entende. If, tu sauras qu'on s'entende. Bah, je te remonte en drive-by. Reste. Le buteur Kobolos fait la passe. Belle et calard, nous chez la base. Belle et calard, nous chez la base. Le buteur Kobolos fait la passe. Belle et calard, nous chez la base. Belle et calard, nous chez la base. Belle et calard, nous chez la base. Le buteur Kobolos fait la passe. Nous c'est des deux héros photo. 93 75 Cabus XV Barbare. Barbarie dans le réservoir. QZ QZ QZ Carus. Ouais. C'est sur le projet Double Fuck de Caris avec XV Barbare. À l'instant, c'est la base. C'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Ouais, c'est ça, frérot. J'essaie juste d'imaginer ça en studio, justement, avec Caris, avec le XV Barbare. Dinguerie. Avec Thérapie derrière la console. Bordel, le feu. Ça va être un truc assez mythique, quand même, à vivre, non ? C'est quelque chose. Caris, Thérapie, tu veux témoigner aussi ? Tu veux... Ah, lourd, franchement. Tu veux me dire un mot, justement, sur Double Fuck que t'as entièrement produit ou avec la même équipe, pareil ? Toujours la même équipe, ouais. Mis à part un titre, le titre Gringo, tu vois, de Bakil. Qui est venu avec son morceau. Mais sinon, ouais, voilà. Donc, on a bossé comme d'habitude en vérité. Hein. Mixtape, album, tu te poses pas trop de questions. Mm-hmm. Après, c'est Caris qui doit se poser des questions plus par rapport au thème, par rapport. Tu vois. Bah, tu t'en poses aussi par rapport aux prods que tu proposes. Aussi, mais en vérité, là, tu vois, sur un album, je me pose pas mille questions non plus. Donc, ça va. On fait. À l'instinct. Ouais, franchement, à l'instinct. Il y a eu beaucoup de morceaux enregistrés pour Double Fuck, justement, où il y a. C'est-à-dire. En tout, parce que là, quand on regarde, il y a 16 titres, ouais, 16 morceaux. Tout a été enregistré. Non, mais il y en a d'autres aussi, vous en avez fait d'autres. Non, franchement, non. Non, c'est juste. Peut-être un ou deux. Un ou deux. Ouais, un ou deux de plus qu'on n'a pas mis. Mais sinon, non, c'était ça à peu près. Franchement, c'était ça. Non, franchement, ça s'est bien passé. J'espère que les gens vont kiffer et puis ils vont aller chercher le 16 octobre, quoi. Et bah, dites-nous justement ce que vous pensez déjà des morceaux qui ont été balancés avec le hashtag Caris sur Skyrock. On en écoutera d'autres aussi ce soir. Tu feras un live aussi, je le disais, Caris. Ouais, ce soir, on va faire Sinaloa. Ah, pas loupé, oui, c'est un morceau. C'est le morceau qui ouvre, hein, d'ailleurs. Joachim. C'est le morceau qui ouvre le c'est projet. C'est le morceau qui ouvre. C'est un petit peu l'intro de ce projet. Exact. Qui donne le ton du projet, justement. Direct. On direct, tu te le prends dans les côtes. Tu le sens. Déjà, premier titre, tu le sens. Tu vois ce que je veux dire. Bon, tu nous le feras en live dans quelques minutes. Ouais. Il y aura aussi vous par téléphone, le freestyle par téléphone, ça arrive. La roulette qui va tourner. Inscription par SMS 41759. Et aussi pour les freestylers cette semaine. Et pour ceux qui veulent assister, il y a des invites pour aller à l'avant-première du mardi 20 octobre à Paris, Gaumont-Marignan, avec aller-retour. Payé, hôtel pour deux personnes payées, c'est pour aller voir le nouveau Paranormal Activity de c'est Ghost truc, Dimension. C'est où ? À Marligo. Au Gaumont-Marignan à Paris. Ah, ok. Dire, mais ils vont pas jouer, les gens. T'avais envie de découvrir Marly-Gaumont, hein, ouais, c'est là, quoi. Sinon, on doit renvoyer le à voir Paranormal Activity. Non, là, c'est à Paris, mais pour tous ceux. C'est voilà. Paranormal Activity là-bas. Hein. J'allais te dire que le film est. Ouais, c'est 24 sur 24. Non, là, c'est pour le nouveau Paranormal Activity. Donc, si ça vous dit d'y aller, vous envoyez pareil un petit message 41759. Caris, on met quoi ? Briller ? Ouais, t'as le Sado, qu'est-ce qu'on met ? C'est le son préféré de Bison. Et bah bougez pas, c'est après ça. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h. Caris. Ce soir, Planet Rap reçoit Caris. Caris toute la semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h. Double Fuck, ça arrive vendredi, à pas louper. Double Fuck. Qu'on peut précommander maintenant, on peut bien y aller. Bien profond. Hein. Bien profond maintenant, on peut y aller aussi. Ouais, hein. On peut y aller profond maintenant, faut aller au fond. Profondément. Au fond des choses. Allez-y, Double Fuck, vous précommandez l'album de Caris, le projet de Caris. Et qui sort vendredi. Tu te laisses pousser la barbe, mon pote. De quoi ? Tu te laisses pousser la barbe. J'essaie de faire comme toi, mais j'ai pas le même engrais. J'ai pas le même flow. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. J'ai pas le même engrais non plus. Ça réussit un peu mieux chez toi. Ouais, merci. C'est bien tailladé en fait. Ouais, j'aime bien. Ah, mais je sais que tu fais gaffe à ton image maintenant. C'est important. Parce que pourquoi maintenant ? Avant, j'étais en mode schlag ou quoi ? On a tous eu des époques. Il m'a vu traîner dans des caniveaux. Non, pas du tout. Mais on a tous eu des époques, bien sûr. Surtout au niveau capillaire, barbe et tout, des trucs un peu mystiques. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que tu fais gaffe, parce qu'il y a aussi un film, t'es dans le ciné, Caris. Ouais. Ça, c'est une belle aventure aussi. Il y a un gros film qui va arriver là le 20 janvier. Film réalisé, produit par, réalisé par Julien Leclerc et Julien Madon, avec Samy Boisgila, Caris, Bah oui, Guillaume Gouy. Plein d'autres. Bon, tu peux en parler un peu plus, parce que c'est vrai que la dernière fois, on l'avait un petit peu évoqué, ce film. Mais tu tournais, je crois, c'était à Aulnay, non? C'était où le tournage? Le tournage du film, c'est à Sevran, exactement, ouais, dans le quartier de Rougemont, avec tous mes potos qui étaient là. On a tous participé au déroulement du film. Et ils sont restés pendant une semaine avec leur camion, avec leur tout leur attirail, tu vois. Et puis là, c'est vraiment une nouvelle aventure, parce que c'est vrai qu'on t'avait vu dans le film de Thomas Njijol aussi. Exact. Plus petite apparition dans ton rôle. Petite apparition tranquille, là, c'est un vrai rôle. Là, c'est un vrai rôle. Ouais, là, je dis des mots et tout. Bon, t'en disais aussi deux, trois, mais. J'en dis plus. T'étais un peu plus il dans ton rôle. Il se passe beaucoup de choses. C'est vrai. Voilà. Donc, faudra pas louper le 20 janvier. Hein. Le 20 janvier, faudra pas louper, ça va arriver, ça va être très très lourd. C'est un truc que t'as vécu comment, toi? C'est un plus, parce qu'il y a la musique et le ciné qui tombe dessus. C'est pas un truc que j'ai cherché, mais c'est une belle expérience. Je suis content que ce soit tombé sur ma tête. Non, parce que je crois que t'as passé aussi un casting, c'est-à-dire que. Bien sûr. C'était pas évident non plus. On m'a appelé, je pense, aussi pour mon nom, un peu. Mais j'ai été forcé de passer un casting comme tous les autres acteurs. Et 20 sur 20. Voilà. Résultat le 20 janvier. Voilà, exactement. 20 janvier sur grand écran. Sur grand écran, donc les salles. Tu l'as vu ou il est pas puissance. Encore totalement? Ouais, je l'ai vu, moi. Ça y est, il est fini. C'est un truc de ouf. Bon, bah, on loupera pas ça le 20 janvier. Comme on en voit rarement dans le cinéma français. Caris avec nous, Double Fuck, et le 20 janvier sur grand écran. Le film s'appelle Braqueur. On écoute un morceau maintenant, c'est. Qu'est-ce qu'on a dit? Briller. On va se mettre briller. Hein. Briller. Ah. Tu veux dire un mot sur celui-ci? Comment il a été fait, conçu? Non, c'est simple. Il faut briller, c'est tout. Eh bah, c'est parti. Il faut être bien dans tout ce que tu fais. Brillons alors, yes. Caris dans Planète Rap. Je brille, tu brilles, on brille. Je veux briller comme les vitrines de ces ventes. Je ne pars et ne reviendrai jamais sans but. Je veux briller comme les vitrines de ces banques. Plus de tabac dans le pif. Non, quelques lignes dans le pif. Oui, bitch, ça y est, tu kiffes. Oui, ça y est, tu kiffes. T'es une meuf, viens, je te galoche. T'es une petite pute de luxe, je te galoche. Ne me suis pas négro ou ta prochaine adresse sera le cimetière le plus proche. Serveur, ramène mon assiette en cuisine. Mon entrecôte de Kobe est trop cuite. N'entends pas bien ce que tu dis, rappelle-moi mon S63 fait trop plus. Elle fait des régimes et elle préfère manger des bites parce qu'elle veut garder sa ligne. Je fais des grands pas de géant, je ne peux marcher que lorsque les planètes s'alignent. Je n'ai pas besoin d'un docteur, je mélange le shit et lave pour me soigner. Regarde comment je fais tourner mon poignet, regarde comment je fais tourner mon poignet. Je te mets dans la deux bois, dans la tourvoie, dans le couloir je démolis. Je fais pas l'amour dans le lit, non, moi je mange dans le lit. Je suis pressé, je n'ai pas de temps à perdre, je fais chauffer ton boulot micro. Y'a rien du tout, je sors mon flingue, je veux juste passer à la caisse devant tout le monde. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille. Je veux briller comme les vitrines de ces banques. Je veux briller comme les vitrines de ces banques. Je ne pars et ne reviendrai jamais sans but. Je ne pars et ne reviendrai jamais sans but. Je veux briller comme les vitrines de ces banques. Je veux briller comme les vitrines de ces banques. Plus de tabac dans le pif, non, quelques lignes dans le pif. Oui, bitch, ça y est, tu kiffes. Oui, oui, ça y est, tu kiffes. En position fétale, je suis né sur le goudron, je viens faire du tressage. Juste trouve-moi une bitch, Marion Maréchal. Mon programme est anal, pas besoin de siéger à l'Assemblée nationale. Juste trouve-moi une bitch, Marion Maréchal. Putain de merde, tu sais que je ne suis pas ton. Je te baisse ta mère, tu sais que je ne suis pas ton. Mon étoile est noire comme un carbonato. Tu sais, CR7 Ronaldo. Double rotor sur l'hélico. Je dois trouver un plan vitilico. Vite 6 gros champs le litre. Putain, négro devient blanc vitilico. Je répète pour la 10ème fois. Tiens toujours un joint comme un 6ème doigt. Tu sais, je suis l'autotone qui veut pas se faire plumer. Clic clic et tes chromosomes partent en fumée. Ils rappent tous de la glomère et tu te resserres. Je maîtrise le game de la mer au désert. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille. Je brille, tu brilles, on brille. Je veux briller comme les vitrines de ces banques. Je veux briller comme les vitrines de ces banques. Je ne pars et ne reviendrai jamais sans but. Je ne pars et ne reviendrai jamais sans but. dans le bif. Oui, bitch, ça y est, tu kiffes. Oui, oui, ça y est, tu kiffes. Thérapie musique. Thérapie musique. K, double, rotant. Double, rotant. Chaka, Zulu. Chaka, Zulu. 2-7. 2-7. 2-7. 2-7. 2-7. J'ai dit pute. J'ai dit pute. J'ai dit pute. Et je redis pute. Pute. Il était mignon celui de la fin. Avalanche de punchline. Ah ouais, celui-ci voilà. C'est bon. Là je remets les choses en ordre. Ah là il faut l'écouter d'ailleurs plusieurs fois. Hein, ah, il faut lever le son, il faut le mettre à fond. Il faut le mettre à fond, réécouter. À un moment on peut entendre Marion Maréchal. Ouais. Ça c'est vrai que c'est. Ça passe crème. C'est ma surprise en fait, Caris. Ça passe crème. Pour rien te cacher, depuis j'ai vu l'excellente interview de notre ami Fif de Bouscapé. Ouais, hein, très très bon. Où tu invites Marion Maréchal à un twerk enflammé. Hein, ouais. Un truc bien quoi. Un truc bien particulier. Bouger la chair, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais pas prêt pour Mario Maréchal dans un. J'étais pas prêt non plus. Dans un titre. Mais de j'aimerais Caris. Bien voir ça. C'est mieux, non? Bah écoute, ce serait plus sympa en même ça temps. Ce serait plus sympa. Elle serait plus sympa quand même. Voilà, elle serait sympathique. Ça donnerait autre chose que cette jolie image un qu'ils veulent donner au Front National, mais qui derrière, allez, quand tu grattes bien, c'est Marion. Toujours. Twerk c'est, Marion. Et toujours twerk, les mêmes twerk, trucs. Twerk Marion. Dans quel morceau d'ailleurs tu aimerais bien faire twerker si il y avait un morceau à choisir, en particulier de ton album? Je veux la voir twerker sur Pas besoin. Bon, c'est un morceau qu'on vous passera peut-être dans la semaine, pas besoin. Il faudra avoir juste cette image en tête d'une Marion Maréchal en train ça de. Très en train de. Mais tu penses que j'ai pas assez maté bien fourni, ça peut twerker? Ça passe. Ça peut passer. Ouais. Tu t'es déjà renseigné sur les. Non, je me suis pas renseigné, mais je pense que ça peut passer. D'accord, ça peut passer. Bah écoute, l'invitation est lancée en tout cas. T'as pas eu de retour pour l'instant depuis l'interview? T'as pas eu de. Si, j'en ai eu un. Et alors? Son grand-père qui m'a appelé pour les twerker. Bon, mais. Va pas trop loin quand même. Ah ouais, à sa place, à la place de la petite fille. Ouais. Bon, c'est Planète Rap avec Caris, c'est donc ce double fuck. Hein, double fuck, ce vendredi dans les bacs. Ce nouveau projet qui sort vendredi. Il est lourd. Impatient. Ouais, impatient que ça sorte. Parce que, enfin, voilà sauce. Bon, l'aventure. Sauce dans ce projet. L'aventure, quand même, du bruit de mon âme n'est pas passée non plus, parce que tu vas le jouer aussi. Hein, bien sûr. J'y joue toujours les morceaux, les gens ils les connaissent. Cristal. Toi qui aimes bien justement analyser, quelle analyse tu retires 6 mois après la sortie de ce projet? Qu'est-ce que tu retires? Bah, je suis content de d'être toujours là, toujours kicker et toujours mettre des baffes en kickant. C'est le plus important pour moi. Parce que c'était aussi un gros album. Il a peut-être eu un peu moins de succès que le précédent, ouais, mais il a eu un bon succès parce que c'est le succès qu'il a eu, c'est le succès des gens qui ont acheté l'album pour moi, pour ma musique, pas pour le copinage ou pour les trucs à côté. Je m'en bats les couilles. Donc je suis content, ceux qui l'ont acheté, je les kiffe à mort. Et puis il reste peut-être justement des morceaux aussi à découvrir. Je pense sur cet album, c'est vrai qu'on avait joué le morceau avec Future, mais ouais. Mais il y avait évidemment Sevrac, il y avait le morceau avec La Crime. Enfin, il y avait il y a des bons morceaux, moi je trouve sur le précédent. C'est un morceau que tu vas jouer aussi beaucoup, c'est un album que tu vas jouer sur scène. Ouais, je vais jouer, bien sûr, je les joue à fond. Je les joue même en showcase, je joue des morceaux et tout, je joue à fond. Donc c'est le 9 novembre pour le Zénith de Paris. 9 novembre. Et puis d'autres dates pour Caris, et là je te présente Robs de Bordeaux. Salut Robs. Ouais, salam alaikum les frères. Comme ça là mon pote, comment tu vas? Ça va, écoute, on est à l'Khoya comme d'hab, hein, le froid s'installe. Ouais. Ah bah toi Robs qui. Je suis mis en t-shirt, moi je me suis mis dans la merde. Ah là bien, mais t'inquiète, quand tu vas sortir, frérot, tu vois. Il est chaud dans les studios. Bon, il en faut un peu plus, Caris, pour te refroidir. Ouais, bon, toi, Robs, tout va bien? Ouais, ça va, moi, t'as vu là, j'ai écouté 2 sons de Caris Open, ça m'a rendu amnésique, sa mère. Oh merde, oh t'as merde. Oublié quoi? T'as pas oublié ton prénom, j'espère? Non, t'inquiète, j'ai oublié des phases, mais t'inquiète. C'est quoi, là, ça va, t'as kiffé ou quoi? C'est quoi les morceaux, toi, que t'as écouté, Robs? Franchement, t'as vu là le morceau avec X-Barbar, j'ai bien kiffé, franchement. Ouais. Sale prod, je voulais dire, Piachtek, Roya. Merci, frérot, merci. Bon sang, frérot, là, le son, il est sale. De fou! Ouais, de dingue, là, bien wesh. Et bah, Robs, on t'écoute, mon pote, c'est vas-y, parti. Vas-y, je suis là. Session française, lance la sauce, mon pote. Vas-y. Yeah, check ça, ROBS, yeah. Bordeaux, yeah. Ça fait check, hein. Yeah, yeah, yeah, hein. Quand la nuit tombe, tous les chats sont gris. Je prends ma caisse, fais le tour de ma ville. J'y vois des choses pas nettes, des putes parésilles. Les joints s'allument pendant que les étoiles brillent. Ça refait le monde, la tête à l'envers. Chez moi la gravité, on lui baisse sa mère. Ça vient de TX poteau, bienvenue en enfer. ROBS, Kizo, j'ai besoin qu'on m'enferme. Quand la nuit tombe, toutes les chats frémissent. Y'a pas que des bombes sur mon 06. Ça rappe simple et efficace, grimpe et prends ta place. Dernier des premiers, ta putain de classe, check. ROBS, a.k.a. l'homme élastique. Des fourrailles et l'approche, fais du rap, pas de la plastique. Je reviens, briser le game avec les frères, montrer les crocs, le vrai hip-hop. On a marre de se laisser faire, tout vient à point. À qui c'est attendre, c'est pas un clash, non. Juste une mise à la menthe, un pic, une feuille corrosive comme l'amiante. Doré d'acier quand je passe derrière le mic. Tu te lamentes, c'est pas fini. Le rap actuel, moi je le détruis. C'est devenu de la variété, récemment nuit. Voilà une équipe pas nette pour pousser au suicide venu d'une autre planète. Mec, on est invincible, je te gifle à travers le mic. Plutôt que baisser mon puzzle, double kick à l'ancienne comme Bruce Lee. Avec ou sans pouvoir, pour nous pas de soucis. Avenger frère, ça sent le roussi. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de qui? Tu veux qu'on parle de moi? Mec, t'es pas MC, MC calibré d'un mic, je déborde d'inspi. MC technique, ouais. Prends la proie de la retourner la ni 4 par 4 de manière mélodique. La défense c'est hip hop comme dit Flay. Yo, tire sur l'antipop, c'est de lay. Go, tu poses une bombe, je suis le démineur. L'acte est mineur, le terrain est miné. Je lève le majeur, toujours déterminé. Histoire de passionner, pas les couilles du buzz, l'argent du buzz, tant que je peux poser. Hey yo man, t'es averti. Les lettres mélangent dans ma tête, foncé, je suis averti. Avec ça, je fais des rimes. Rempli des feuilles en mode sous le saphir. Rob Zalanda Bordeaux. Double kick à l'ancienne comme Bruce Lee. Ouais. C'est bien mon poteau. Mais à la fin c'était un freestyle ou quoi à la fin? Ouais freestyle à la ouais, fin. Ouais j'ai capté là, au début c'était écrit et à la fin c'était freestyle. Bien. Merci. Ouais. Eh ben merci à toi Rob. Tiens, vas-y, merci le refrain. Je peux faire une petite case dédiée ou quoi? Attends juste un truc, est-ce que tu es libre le 20 octobre? C'est mardi prochain. Je suis libre le 20 octobre, mon frère, j'ai écouté, même si j'étais pas libre, dans tous les cas, je suis libre. Eh ben écoute, aller-retour donc de Bordeaux, ici l'hôtel pour deux personnes et l'invitation à l'avant-première du film Le Nouveau Paranormal Activity. Merci, de frère. Ghost Dimension qui aura bien lieu au Gaumont Marignan à Paris. Je peux dire que Hamdoula, tu vois, je peux rien dire d'autre, tu vois. Bien joué mon frère, bien joué. Alors on t'écoute pour les dédicaces. Je vais faire une petite dédicace, je ferai une dédicace au petit Hotman, il est là. Dans la petite Fiat, à Kautar, à Younes, à, t'as vu, à tous ceux qui m'écoutent, qui me reconnaissent, et Robes, tu peux pas me rater, frangin. 10 piges de freestyle auditeur, je suis toujours. Ah, la cabine se détériore, mais je suis toujours là, frère. Rap de cabine, terrible, merci rap à toi. De cabine. Merci à toi, Rob. Merci à toi, frère, t'inquiète, on est dans la famille, on se lâche pas. Moi, tu me dis pas merci ou quoi? Mais bien sûr, Karim, t'as vu ce que Fred, t'as vu, il aime bien faire le mec. Merci, les gars, ciao. Vas-y, bonne famille. Soirée à toi, frère. Sartek, Rouya, vas-y, t'inquiète, merci, on va pécho l'album. T'as tout niqué, bien, ouais, bien, ouais. T'as vu, franchement, la famille, je savais pas que t'allais revenir avec un album, je l'ai su, frère, je veux pas te mentir aujourd'hui, Rouya, t'as vu? Ah, bah c'est bon, au moins tu l'as. Franchement, je vais t'inquiéter. Plus tard que jamais, frérot. Si. Et ben oui. Et continue comme ça, frérot. Il faut que l'info passe et c'est vendredi la sortie le 16 octobre du double fuck de Caris qui arrive. Avant de passer au live, on avait dit Talsadoum. Ouais, on va se mettre un petit Talsadoum. Talsadoum qui est né ici. Qui est né ici. Et qui se retrouve qui a grandi ici un peu. Qui a grandi ici. Voilà. Qui a fait ses premiers pas ici. Voilà. Il fait ses premiers pas depuis. Et il est maintenant sur le projet double fuck. Ah, maintenant ça y est, il est grand. Ah, il est grand là. Il a bien grandi hein, d'ailleurs le morceau. Il est gainé et tout. On l'écoute maintenant. Vas-y. Talsadoum. Talsadoum, poteau. Traditionnel, je suis dans le poli, je fais des poulets, vent, grêle, puis du poulet. toujours hardcore, même après des saoulés. J'crache dans le gâteau fraîchement démoulé. News, cool, il n'y a plus de battle. Ou plus ton cul, ferme juste ta gueule. Mes négros ne plaisantent plus. L'Alabama ne chante plus. De cette aide au gang. La chaleur du Big Bang. Cocaïne et crack dans le traîneau. J'suis dans le V12, frérot. Voilà ce morceau freestyle, hein, Tal Sadoum. Ouais, d'ailleurs, le fameux. On a remis la vidéo que tu avais faite ici dans le studio il y a quelques mois de cela avec ce morceau. Le fameux freestyle. Le fameux Tal Sadoum de Kaaris qu'on trouve sur Double Fuck. Ça sort vendredi 16 octobre. Et à découvrir. Chaud, n'hésitez pas. Et c'est très très lourd. À découvrir toute cette semaine entre 20h et 21h. Le hashtag c'est Kaaris sur Skyrock. Est-ce qu'on peut passer au live maintenant, Kaaris? Direct. Si t'es prêt. C'est quoi? C'est un morceau de l'album que tu nous fais? Ouais. C'est l'intro, oui, c'est le. C'est Sinaloa. Qui est disponible directement ce soir là, minuit 1h en précommandant là. On peut l'avoir ? Ouais, direct. En précommandant, vous avez le morceau qui arrive directement. Sur iTunes. Le clip arrive lundi. Et on l'écoute maintenant en live. Non. Deux 7 V2 dans l'ascenseur du building. Oh, clic, 2-7. K double rotor, papa. 2-7 V2 dans l'ascenseur du building. Bison, Mikey. 2-7 S-E-V-R-A-N Kaaris. Pute. J'ai dit pute. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. Glock, Chouin, Boko, Beto. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Soit ils l'ont profond au fond du gosier. Soit ils passent leur temps à se baisser pour amasser leur dossier. Je vais prendre sans qu'on me le donne. Vu qu'on a souffert, je veux une Lamborghini Reventon. Et une conne à tout faire. Les Mayas avaient tout dit. Ça m'en a tout l'air. Le rap français fait galerie. Il ressemble à Boudère. Comme again, comme again, comme again, comme again. J'ai la haine. J'ai la haine. Barbu comme le fantôme. Ah, Ben Laden. On a commis beaucoup d'actes inavouables. Péter du faussaire, fumer du crack. Comme le guap. Je pense à ces nègres. T'as rien de méchant. Oui, je parle à toi. Ta sœur a ses règles, donc elle voit du sang plus souvent que toi. Les nuits sont traîtres, ses fils se font arroser. Quand tu manges ton grec, je pisse du champagne rosé. Je vais planter mon drapeau dans ton trou de balle. Tu dis beaucoup plus de mots que tu tires de balles. Regarde l'équipe toute pétée, que tu t'es dégoté. Par la bouche, par le huc, ta merde sort des deux côtés. Tu sais bien que je vais revenir. Dur comme un bras, dur comme un bras. Cette fois pour bien te punir, je prends du comme un grain. Y'aura toujours des barrières, ma gueule est plus grosse que tes vitres arrière. Je vais t'allumer pour éteindre ta petite carrière. Sors de rehab et je me promène la bite à l'air. Je suis posé détente, j'écoute ce qu'ils prétendent. Doigt sur la détente, j'attends que c'est pédé détente. Je suis plus par aucun gueuse-né. Chez les sudistes, si rap français me subsiste. Fuck les puristes, rappeur ne prend plus de risques. 15 ne vend plus de disques. Je mets les petits plats dans les grands plats. Tu me ticaves dans les grands plats. Galilée avait raison et tort, bitch. La terre est ronde mais ton cul est bien plat. Arme de toute catégorie. J'ai la logistique. J'ai la logistique. De plus large que le gorille. Avec le magic stick. Y'aura jamais de one one, bitch. Non. C'est pas la fête. Je suis Obi-Wan, bitch. T'es Django Fett. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. Glock, Chou, Bacon. Sinaloa négro. Sinaloa négro. Sinaloa négro. Sinaloa négro. Sinaloa négro. Sinaloa négro. Sinaloa négro. Sinaloa négro. pute. J'ai dit pute. C'est ZDRO, poteau. Double fuck. La puissance, toi-même, tu sais. Caris avec nous. C'est dur de s'arrêter après un morceau comme ça, en fait, parce que t'as... Ouais. T'as envie juste de dire putain, c'est quoi la suite quoi de ce morceau? Ah, c'est lourd, c'est lourd. Sinaloa. Ouais, Sinaloa. Que le tu cartel. Traduis, que tu traduis Sinaloa. Le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa, ouais. Ouais. Qui ouvre, donc c'est le morceau qui ouvre que vous pouvez avoir dès ce soir, donc a priori. Exact. Hein. Dès ce soir, si vous avez chaud, allez de... le prendre. Ce soir, direct, 1h du matin. Kiffer ouais. À 1h du matin, vous allez kiffer. En attendant, on va vous remettre aussi rapidement la vidéo là sur le skyrock.fm parce que c'est vrai que ça. C'est-à-dire que quand tu te prends ça déjà dans ton entrée de jeu, t'es assis, tu as envie de te lever. Putain, la suite. Putain, c'est quoi la suite, ouais. Ouais. C'est un morceau extrait de Double Fuck à l'instant, exact. Qui sort vendredi 16 octobre. C'est le premier, hein, ça donne un petit peu le ton de cet album, que t'as, enfin, de ce projet que t'as fait, voilà. Un peu dans un côté freestyle, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est un côté ouais. Instinctif. Instinctif, plutôt voilà. On dira. L'instinct, l'animal instinct. Et voilà, ouais, c'est ce côté. Du ça saigne, il faut que les oreilles saignent. Ouais, que du côté sale, le côté sale, le côté sombre. Entre 20h et 21h, Caris, avant de se quitter, est-ce qu'on remettrait pas un petit coup de terrain, par exemple? Mais bien sûr, ouais, pourquoi pas. On a ouvert avec terrain. Ils le veulent. Ils le veulent. Ouais, ils le veulent fort. Je pense qu'on va le balancer. On fera tourner aussi la roulette dans un instant avec Caris, notre invité, puis Diffoul qui arrive. Lem, t'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nargue des rum. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nargue des rum. Clic, semi-auto. Arraché du liquide amniotique. Devenu automatique dans le catmatique. Sorti de l'école de la République. Des lards. Poussi. Parle pas ou bien parlons nous chier. Plus d'armée de soucis, mon seul problème désormais est de choisir entre le caviar et les sushis. Je m'allume ma grosse part, elle a vu ma grosse part. Elle fait le grand écart, j'ai de la mouille dans la beubar. Contrôle de police, ma guide, il me reconnaît, me demande une photo pour son fils. Il me laisse repartir dans une gova pétale dans la boîte à gants. Mon pétard sous le siège, un gomme, demi-tour en marchant mon chewing-gum, gomme. On va plus leur faire de crédit, on fait plus la guerre entre eux. Je crois bien que tout est dit. J'sors mon arme, Jamani, j'porte un jean Armani avec une paire de Bouzemi. Leur faire du le ça, on pourrait. J'suis dans mon rose beau bois, j'allume la LED juste pour voir t'arrêt en blu-ray. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. Sors pas ta caisse, c'est le drive, dis-nous vite, tu prends quoi? Les bip-bisseurs bloquent l'ascenseur devant toi. J'bouge pas, j'me pose dans le hall en été ou dans le froid. J'attends les polos, t'attends ton conseiller au pôle emploi. Lunettes, casquettes, fuck toi et ton képi. Quatre grosses balles trinquent dans une Ford Mégral, font képi. Fais bien la fête, n'oublie surtout pas que t'es mon petit. M'invite pas à ce qui sort, mon canon c'est pas des confettis. Ils ont vu mon casse-rayer, ils ont cru à l'accident, c'est juste qu'elle suce avec les dents. Posé comme un bâtiment, je ne fais plus de sentiments, je crache dans tous les compartiments. Kandahar, Gandora, double calache et Hondora. Rendu dans la planque, cracker sans manque, je suis dans le tank, c'est pas un prank. J'fais des lem. T'as le seum, seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum. J'fais des lem. J'nique des rum. J'fais des lem. T'as le seum. J'fais des lem. J'nique des rum. Le morceau qui s'appelle Terrain à l'instant, extrait de Double Fuck de Caris. Entre 20h et 21h toute la semaine, on va pouvoir découvrir justement ce Double Fuck. Terrain, Double Fuck. Terrain, profond. Avec le clip qui est dispo aussi hein. Ouais. N'hésitez pas à aller cliquer. Direct. L'équipe de Thérapie qui était là aussi justement Décroche quelqu'un, on s'en se perd. Ah tu veux, bah vas-y, décroche. Allô. Après on dira un mot quand même sur la structure Thérapie, sur ce qui arrive par la suite. Ouais. Alors c'est qui? Hein? C'est Caris. Allô, ça va mon pote? Attends, est-ce qu'il peut... Rapproche près du micro qu'on entende bien, donc il s'appelle... Tu dis quoi? Tu t'appelles comment? Moi. Ça va, moi? T'es doux? Hein? Ça va ou quoi? Ouais, tranquille. On soutient Double Feu quand on va aller chercher l'album. Merci frérot, ça fait plaisir d'entendre ça. La force, elle vient de là, toi. Exprès. Bien vu, ma gueule. Exprès, c'est propre, comme d'habitude. Bien vu, ma gueule, bien vu. Hé, tu me rappelles dans 5 minutes? Je dois dire 2-3 mois après. A tout de suite. Il était planqué à mon avis, moi. Ouais. Je sais pas où il était, mais il était en dessous d'un truc. Hein. 06 71 74 84 15 pour joindre Caris. Ouais, un petit mot aussi sur thérapie, sur les sorties de thérapie. Donc il y a Double Fuck. Bien sûr, après on est en train d'enchaîner déjà sur le prochain album. Ah, ça y est, genre, ouais, on est sur le prochain album. On enchaîne déjà. Mort. Là, il y a un clip qui va arriver de la mixtape Atuki. Exactement. Je fais un morceau dedans, on va le clipper. Le mixtape Atuki qui va arriver bientôt. Tout après, je travaille aussi avec. Sur Warmsty qui est dans le coin, que j'ai vu passer. Qui est là, qui sera là toute la semaine avec un gros freestyle jeudi. Donc je réalise son album. Il y aura le clip de Bakil aussi qui va arriver. Bakil aussi, je donne un coup de main, je réalise son album, tu vois. Gringo, il m'arrive à force. À fond dedans, il y a aussi. Il y a plein d'autres projets qui vont arriver. D'autres choses. Des feats avec Solo, des feats avec. By Five Music de Boboche. Ouais, si, je suis très proche. Mes gars sont là. On va faire des grandes choses aussi, Inch'Allah. Et voilà. Bon, on attend ça. Donc pas mal d'actu, si j'ai bien compris. 9 novembre aussi, grosse actu, ça c'est au Zénith. 9 novembre, Zénith, 20 janvier. Pas loupé. Et le film 20 janvier Braqueur qui sortira avec Caris. Avant de se quitter, avant de retrouver Difool, on fait tourner la roulette au Youssef Hadji. C'est parti. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? What the fuck? Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoufa. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Kevin de Champigny, ça va bien Kevin? Ça va ou quoi? Bienvenue dans ce Planète Rap avec Caris toute la semaine. Ça va quoi Caris? Eh ben il est là Caris, il t'écoute. Ça va quoi gros? Caris, j'avais dit que t'écoutais, mais presque. Ah. Je te présente Kevin. Kevin, comment tu vas mon pote? Excuse-moi, je suis en train de parler avec thérapie. Ouais, c'est tranquille. Bon quoi? Ouais, tu as bien retenu toi tranquille. Kevin, quand ça sort le projet? Ouais, c'est le vendredi là. Vendredi, ouais, 16 octobre. Bon, t'es le meilleur, t'as donné la main. Voilà. Bien sûr, voilà. Tu as donc le droit de faire tourner la roulette, on y va dès que tu veux, tu dis stop. Il y a des places. Vas-y. Des places pour aller voir Youssoufa en tournée. Vas-y. Avec les fringues. What the fuck qui vont avec. Et Kevin, c'est. Et bah voilà, concert de Youssoufa, il y a deux places pour toi Kevin. Ouais, gagné, poteau. Lourd, c'est mer gros, t'inquiète. Et rendez-vous le 16 octobre dans les bacs Kevin. Voilà. Vas-y, t'inquiète. Et aussi au mois de novembre, pour son concert, le 9 novembre, c'est ça? Ouais, aussi. Rendez-vous le 9 novembre au Zénith et le 20 janvier au cinéma. On est parti. Ok, lourd ma gueule. On est parti. Ok, ma gueule, lourd. Si. Merci okay, Kevin. Vas-y. Ciao. Vas-y, passe une bonne soirée. Ciao, merci Caris pour cette première soirée. Ouais, merci à toi. Demain de retour avec Double Fuck. Demain, on est là. Ce soir, il y a le morceau que tu as fait justement, Sinaloa, qui débarque. Voilà. Donc il suffit juste de précommander l'album. Précommander, vous aurez Sinaloa. Terrible. Vous allez éteindre toutes les lumières et ça va devenir. Et à 1h du mat, ça va être Paranormal Activity. À 1h du mat, ça va être Marley Gaumont. Grosse prod de Loxon. Ouais. Lox qui est toujours là, l'équipe de beatmaker qui est toujours là derrière. Voilà, ça booste à fond et écoutez ça. Ben, on en reparlera cette semaine de l'équipe. Direct, justement. Même pas, on a le temps. Merci à vous pour cette première soirée. On va retrouver Difool qui est là. Tiens, t'étais il y a pas très longtemps par téléphone chez Difool aussi. Ouais. Je t'ai entendu, tu étais en pleine forme. C'était la semaine dernière. Eh ouais, semaine dernière, Caris. Bah en pleine forme toujours, hein, Caris. Toujours, ça va mon poteau. On t'a laissé en pleine forme, c'était quand? C'était mercredi, je crois. Exactement. Et ben on te retrouve en pleine forme en ce lundi soir pour. Et Marie, elle va bien, Marie. Ah, ça va bien. En fait, j'ai plus envie de parler avec toi, j'ai envie de parler avec Marie. À chaque fois. Et Cédric, il est là, Cédric. Ouais, poteau, on est là toujours. Ça fait plaisir. Bon, Romano, on s'en fout. Merci. Mais je suis là. Mais rassure-toi, je ne t'ai pas écouté. Romano, il essaye de se donner un style Caris avec sa barbe aussi. Je sais pas si t'as j'ai vu ça. Il a laissé pousser. Ouais, j'ai la barbe blanche. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Comme le Père Noël. J'ai de l'empathie pour lui. C'est gentil. Il va falloir mettre de la cire. Voilà. Bah, en tout cas, Caris, le Double Fuck, c'est parti là cette semaine. Allez, c'est parti. Double Fuck, l'album à découvrir. Ce sera pour vendredi dans les bacs, c'est ça? Vendredi dans les bacs et jusqu'à vendredi à découvrir sur Skyrock dans Planète Rap. Et on remercie tous ceux qui étaient là pour toi pendant une heure. Imtu Caris, c'est le message de I Am Swan. Salut I Am Swan. Toujours là pour Caris. Regarde le message de Maxime là qui vient d'arriver. Et ben demain soir soyez là 20h-21h Caris sur Skyrock, c'est toute la semaine. Et ben profitez bien, on en profitera aussi dès demain Caris. Salut mon pote. Avec Fred, salut à toi Caris. Yes. Et là on va démarrer tout de suite la radio libre, c'est parti hein, 01 53 40 30 20. Faites comme Caris la semaine dernière, passez dans l'émission vous aussi hein. Vous nous appelez, vous débarquez ici, si vous avez un conseil à demander, un truc à dire, profitez-en, vous voulez faire les cons avec nous, il y a pas de souci. Et puis écoutez du bon son parce que nous aussi on en a Fredo du bon son. Mais je sais. Avec le son de Lefa là tout de suite. Terrible, quelques minutes. C'est quelques minutes, il suffit d'attendre quelques minutes pour les écouter. Et ça recommence la vanne. C'est parti. Quelques minutes, le son de Lefa et Radio Libre. 01 53 40 30 20, c'est parti. Merci Fred, merci Caris. Et à demain. Ciao, ciao. Et à tout de suite pour la Radio Libre. Planet Rap.